et les voir embarquer dans une querelle interminable sur les femmes. L'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchante. Ils avaient tous deux raison. L'un saute, l'autre pleine d'esprit. Ils avaient tous deux raison. L'un fausse, l'autre vraie. Ils avaient tous deux raison. L'un avare, l'autre libéral. Ils avaient tous deux raison. L'une belle, l'autre laide. Ils avaient tous deux raison. L'un bavarde, l'autre discrète. L'un franche, l'autre dissimulée. L'un ignorante, l'autre éclairée. L'un sage, l'autre libertine. L'un folle, l'autre sensée. L'un grande, l'autre petite. Et ils avaient tous deux raison. En suivant cette dispute, sur laquelle ils auraient pu faire le tour du globe, sans déparler un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer. Où, lecteur, vous êtes d'une curiosité bien incommode. Et que diable cela vous fait-il? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise, ou à Saint-Germain, à Notre-Dame-de-Lorette, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, en serez-vous plus avancé? Si vous insistez, je vous dirai qu'ils s'acheminèrent vers... Oui, pourquoi pas, vers un château immense, au frontispice duquel on lisait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant d'y entrer et vous y serez encore quand vous en sortirez. » Entrèrent-ils dans ce château? Non, car l'inscription était fausse. Où ils étaient avant d'y entrer. Mais du moins, ils en sortirent. Non, car l'inscription était fausse. Où ils étaient encore quand ils en furent sortis. Et que firent-ils là? Jacques disait ce qui était écrit là-haut. Son maître ce qu'il voulut. Et ils avaient tous deux raison. Quelle compagnie trouvèrent-ils? Mêlés. Qui disait-on? Quelques vérités et beaucoup de mensonges. Y avait-il des gens d'esprit? Ou n'y en a-t-il pas? Et de maudits questionneurs, confiés comme la peste. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, pendant tout le temps qu'ils s'y promenèrent. On s'y promenait donc. On ne faisait que cela, quand on n'était pas assis ou couché. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, ce fut d'y trouver une vingtaine d'audacieux, qui s'étaient emparés des plus superbes appartements, où ils se trouvaient presque toujours à l'étroit, qui prétendaient, contre le droit commun et le vrai sens de l'inscription, que le château leur avait été légué en toute propriété, et qui, à l'aide d'un certain nombre de vauriens à leur gage, l'avaient persuadé à un plus grand nombre d'autres vauriens à leur gage, tout prêt pour une petite pièce de monnaie à pendre ou assassiner le premier qui aurait osé les contredire. Cependant, autant de Jacques et de son maître, on l'osait quelquefois. Impunément, c'est selon.